moi. Si les gens loupent leur existence, c'est peut-être pour mieux se réveiller un jour, s'étreindre dans leurs bras et se sauver la vie. On a tous le droit de se sauver la vie, et pour ça il faut un tas de doigts de se la retirer. Chacun confectionne sa guerre, sa défaite et sa victoire. Petite cuisine avec des bouts de rien, lambeaux du quotidien, talentueusement, tout est utilisable, tout peut se changer en larmes. Les ravins sont toujours les bienvenus, pour sombrer dedans ou bien pour être contournés. Nous mesurons notre guérison à l'ombre de nos blessures, pourvu qu'on nous abîme assez sans trop nous terrasser, qu'on nous abîme jusqu'à nous affranchir des années passées, celles durant lesquelles nos pères nous ont dit tu n'en fais pas assez, tu ne mérites pas d'être heureux mon fils adoré, à moins d'en baver comme moi, et là peut-être que ça sera assez. Et maintenant c'est à toi de résoudre les périples inachevés ou bien de les infliger. Et maintenant c'est à toi de résoudre les périples inachevés ou bien de les infliger. À tes enfants encore légers, à tes enfants encore légers, à tes enfants. Et maintenant c'est à toi de résoudre les périples inachevés ou bien de les infliger. Et maintenant c'est à toi de résoudre les périples inachevés ou bien de les infliger. Tes enfants encore légers, à tes enfants encore légers, à tes enfants. Ça y est, j'en ai bavé, j'ai rendu ce que je devais. Tu poinçonnes une dernière fois la carte de fidélité qu'ont tous les grands opprimés. C'est l'heure de la remise de peine. Savoure ta victoire, tu as fait ce qu'il faut pour la mériter. Tu t'es fouetté autant qu'on avait parié, ça n'était pas gagné. Il fallait que tu meures comme ton père avait souhaité mourir, sans jamais trop poser sa sénée le dernier coup. Il est mort maintenant, et ses habits sont trop grands pour toi. Ta mère en coudait plus petit, mais des vraiment petits, et tu n'y rentres plus sans asphyxie. Pansement mercurochrome, elle peut te reprendre ta victoire avec des petites choses. Garde une main sur tes plaies pour te protéger de tout ce qu'on ferait pour te soigner. Cette guérison est la tienne, tu sais bien que c'est ton dernier effort. Lui dire non, je sais le faire, à celle qui t'a vu faire les toutes premières guerres de tes deux pieds ordinaires. Dis-lui, et maintenant c'est à moi de résoudre les périples inachevés ou bien de les infliger. Et maintenant c'est à moi de résoudre les périples inachevés ou bien de les infliger. Ah, mes enfants encore légers, ah, mes enfants encore légers. Maintenant c'est à moi de résoudre les périples inachevés ou bien de les infliger. Ah, mes enfants encore légers, ah, mes enfants encore légers, ah, mes enfants. S'allège de tout ce qui fut dressé pour dire je te protège. Achevé ou bien de les infliger. Ah. cheville ou bien de les infliger. Et maintenant c'est à toi de résoudre les péripinages, cheville ou bien de les infliger. Ah, encore léger.